je parle, je fais du mal sans le vouloir. Si la colère ne m'influençait, jamais je ne les aurais blessés. J'aurais dû réfléchir à deux fois avant d'agir comme je l'ai fait si mal. Mais ce qui est fait, est fait. Même avec du recul, je ne peux changer le passé. La chose à faire, c'est avancer. Ne plus penser au passé. Oublions les rancunes, évitons des déçus. Je vous prie aujourd'hui qu'on puisse enfin être élus. On fait des choses sur le coup, on y pensera sans réfléchir, et souvent c'est des faux pas. Avec du recul, on sait qu'on aurait dû changer de point de vue, éviter les coups bas. On fait des choses sur le coup, on y pensera sans réfléchir, et souvent c'est des faux pas. Avec du recul, on sait qu'on aurait dû changer de point de vue, éviter les coups bas. C'est Mister, c'est R-O-M-A. Wayna, le ghetto en format audio. 2010, avec du recul. Écoute, c'est par où commencer quand y'a trop de choses à dire. Avec du recul, je me permets de réagir. Y'a des jours comme aujourd'hui où je me mets à réfléchir. Je pense à l'avenir. Qu'allons-nous devenir? Les choix sont décisifs, on sait plus sur lesquels opter. Entre le haram et le djinn, comme entre le ghetto et la mosquée. On zigzag entre les péchés et les bonnes actions. N'attendons plus, posons-nous les bonnes questions. Le vrai kiff serait de partir définitif. Quitter pour toujours, les bouches ont du périph. Moi je veux vivre ma petite aventure. Remplir ma voiture de petits chromes à miniature. Je prie pour que Dieu nous facilite la tâche. C'est maintenant ou jamais avant que notre avenir se gâche. Tout ce temps à gamberger, en attendant que la réussite veuille nous héberger. Elle va pas tomber du ciel, loin d'être virtuelle. Tu peux pas la télécharger même avec tes logiciels. Dieu nos grandes tours HLM, on peut voir la tour Eiffel. Mais c'est pas le panorama qui donne l'envie de pousser des ailes. Le problème, je pense que c'est la flemme. Et pour se rassurer, on met tout sur le système. Y'en a qui traînent au point d'atteindre la quarantaine. Fondus sur place depuis qu'ils ont quitté la quatrième. C'est malheureux, frère, mais qu'est-ce que tu veux faire? Une nouvelle ère où on ne sait plus ce qui est nécessaire. Avec du recul, je vois bien que ça va mal et que le chétan manipule. Ce qui se passe, nous nage, on s'en rend compte quand on le vit à quel point c'est grave. On fait des choses sur le coup, on y pensera sans réfléchir, et souvent c'est des faux pas. Avec du recul, on dit qu'on aurait dû changer de point de vue, éviter les coups bas. On fait des choses sur le coup, on y pensera sans réfléchir, et souvent c'est des faux pas. Avec du recul, on dit qu'on aurait dû changer de point de vue.